Parenthèse. Allô? Bonjour, c'est Maxime. Tu te souviens de moi? Ça s'est bien passé, ton petit séjour en Italie? Évidemment que je me souviens de toi. Oui, ça s'est bien passé, le réveillon. Écoute, je cherche partout la cassette de l'orchestre. C'est la seule qui me reste. Est-ce que c'est à toi que je l'ai prêtée? Non, désolée, tu ne m'as rien prêté. Mais si jamais tu la retrouves, tu pourras me la copier? Ça m'intéresse. D'accord, merci. Et pardon de t'avoir dérangé. Pas de quoi. Faustine raccroche. Rigolo ce coup de fil qui a tout d'un prétexte. Bah, n'y pensons plus. Après les déceptions de ces derniers mois, la demoiselle s'est jurée de fuir les tentations amoureuses. Elle a résolument décidé de s'étourdir au travail. Ainsi, empêchée de dépenser son argent, elle thésaurisera pour s'offrir un téléviseur. Limiter les sorties, éviter de retourner au pied bleu dans l'immédiat sera tout bénef. Le soir, du courrier l'attend dans sa boîte aux lettres. La facture d'électricité l'a fait bondir. Quoi? 3 000 francs de chauffage pour ces 3 derniers mois? C'est impensable! Ça représente plus d'un mois de salaire! Une véritable catastrophe. Comment va-t-elle faire? Faustine est sous le choc. Inutile de préciser que la nuit sera longue et peuplée de cauchemars. C'est la première fois de sa vie qu'une telle tuile lui tombe dessus. Elle est loin d'avoir assez de bouteilles pour prendre ce genre d'aléa avec sérénité. Au matin, elle raconte en gémissant l'affreuse nouvelle à papa qui rigole. Voilà ce que c'est que de laisser le radiateur électrique branché toute la nuit à côté de ton lit. Faustine acquiesce sombrement. La leçon est ruineuse. Elle signifie, en plus d'un budget distraction restreint, plusieurs mois à se serrer la ceinture côté bouffe. Pour la télé aussi, tu peux marquer dommage. Heureusement que papa veut bien lui donner un coup de main, à la condition qu'elle révise son comportement dispendieux. Soulagée, Faustine promet illico de se transformer en fourmi, lui saute au cou et lui transmet la douloureuse. À 17 h, nouveau téléphone de Maxime. Cette fois, maman persifle. Allons bon, deux coups de fil en 2 jours. Je croyais que c'était fini, vous deux. Elle se replie dans la cuisine, à portée d'oreille, pendant que sa fille répond. Allô? Faustine, dis donc, j'ai vu qu'un excellent quatuor de jazz donnait un concert à Nice ce soir. Je suis célibataire pendant quelques jours. Tu voudrais bien m'accompagner? Et on ferait comment? Tu connais le parking de la MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, à Cagnes? Oui, bien sûr. J'y serai à 19 h. Nous irons à Nice dans ma voiture. Faustine, sachant que sa mère entend tout et suppliant intérieurement que Maxime lui pardonne cette énormité, répond. D'accord, mais en copain alors. Oui, bien sûr. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. À la cantonade en direction de la cuisine. Maxime m'invite à un concert ce soir. Je fonce prendre une douche et je le rejoins à Cagnes. Si tu veux vraiment y aller en copain, à ta place, je ne prendrai pas de douche, ricane maman. Ok. Bonsoir. À demain. Bonjour. Bisous sur la joue. Faustine, qui s'est douchée, joue le jeu. Copain, copain, au moins jusqu'à ce qu'on lui donne l'occasion de démontrer qu'elle n'est pas l'hypocrite qu'elle paraît. En ce qui la concerne, les manipulations ne sont pas de mise. Mais comment le faire comprendre? Son surmoi, maman, d'un côté, son séducteur, Maxime, de l'autre, les dés sont pipés d'emblée. D'autant que Maxime semble vouloir jouer à fond la carte du Pygmalion. Faustine monte dans sa belle voiture décapotable. Il a choisi un bistrot romantique dans le vieux Nice. Nappe à carreaux, bougies, lumière tamisée, délicieux mets, musique douce, toute la panoplie y est. Faustine adore ça. Elle n'en a pas l'habitude, mais comment l'exprimer sans passer pour une cruche? Maxime aussi observe les règles. Pas d'allusion déplacée, pas de sensiblerie importune. Côté conversation, comme les autres fois, c'est surtout lui qui parle. Il y va de son couplet sur l'amour et sa futilité, sur l'impossibilité pour un homme et une femme de développer une relation sentimentale équilibrée. Puisque, prétend-il, il y a toujours une subordination dominé-dominateur entre eux. Et devinez qui est dominé ? Il le démontre à travers sa propre relation conjugale où la banalité du quotidien a remplacé l'amour par une neutralité bienveillante. Sans doute s'écoute-t-il parler, mais cela, Faustine n'en remarque rien. Elle est toute ouïe, se promet bien de ne jamais en arriver là dans son couple. Après le repas, ils se rendent au concert. Ils écoutent un trio style Oscar Peterson qui vaut le déplacement. Comme au Pied Bleu, Faustine boit la musique, la respire, vibre de tout son être. Tout à coup, le besoin irrépressible de partager son émotion s'imposant, elle glisse sa main dans celle de Maxime et ne la lâche plus. Maxime, heureux du cadeau, n'en profite pas pour autant pour briser l'enchantement que la musique provoque chez sa compagne. C'est en silence qu'elles rejoignent la voiture et prennent le chemin du retour. Un dernier verre avant de se quitter? Et pourquoi pas? Nabicoque est joli, son compagnon agréable, disert et passionnant. Il lui sert un whisky. Installés devant la cheminée, ils écoutent Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, De Man I Love, Summertime, Comes Love. Des thèmes archi connus qui font toujours mouche. Faustine devient fleur bleue. Ça lui fait tellement de bien d'être courtisée, admirée, écoutée avec respect, d'être importante pour une fois. Sait-elle vraiment au-devant de quoi elle va lorsque Maxime, sans malice ou presque, propose de lui faire visiter sa maison? Très vite, Faustine a l'impression de violer l'intimité familiale. Mais Maxime est si fier de lui montrer la chambre de ses filles, comme elles sont jeunes encore, qu'elle n'ose lui refuser son admiration. C'est lui-même qui a construit leur lit. Il aime travailler le bois, faire des tables, des chaises, des étagères. La salle de bain à mi-étage est dans un désordre indescriptible. La voyeuse ne dit rien mais n'en pense pas moins. Ils arrivent enfin dans la pièce du couple, dont la baie vitrée est ouverte sur la nuit. Faustine s'en approche pour siroter son verre en contemplant la vue, retardant l'instant de vérité. Que va-t-il se passer ensuite? Quelles conséquences pour ses actes? Même si ce n'est qu'une aventure d'une nuit. Après tout, la dernière fois qu'elle a fait l'amour, c'était en mai dernier avec Bernard. Loin, si loin. Et comme le chante Brel, il faut bien que le corps exulte. L'abstinence, ça va 5 minutes, surtout à 20 ans. Faustine ne pense pas être amoureuse de Maxime. Mais faut-il vraiment être amoureuse pour faire l'amour? La jeune femme se dit parfois qu'après tout, c'est une gymnastique comme une autre. Ensuite de quoi, on prend une bonne douche et rien ne s'est passé. Le corps est une mécanique formidable. L'amour physique n'y laisse pas systématiquement des traces. Pendant qu'il la bascule tout doucement sur le lit et s'occupe à la dévêtir, Faustine observe du coin de l'œil un petit nécessaire à couture abandonné sur la table de nuit. La femme de Maxime a vite recousu quelque chose avant de boucler les bagages pour partir en vacances avec leur fille. Manifestement, elle n'est pas prévoyante. Et puis, il n'y a pas que la salle de bain qui est en désordre. Le reste de la maison n'est pas très rangé non plus. Ça rassure Faustine de voir que l'autre a des défauts. Elle se sent moins coupable de lui emprunter son mari quelques heures. Oh, et après tout, flûte, s'il était si heureux que ça, il ne la tromperait pas. Dans sa tête, ça reste pour quelques heures seulement, pas question d'aller plus loin. Maxime commence par lui retirer ses bottes et ses chaussettes. Faustine, soudain intimidée, aurait bien aimé finir son whisky. Le pantalon suit, le pull avec. Faustine remarque le trouble de son presque amant et ses mains qui tremblent alors qu'il lui dégrafe son soutien-gorge. puis fait glisser son slip lentement le long de ses jambes. Il reprend son souffle. Faustine sent qu'il est incroyablement ému. Elle se laisse admirer. Il embrasse avec une tendresse infinie chaque parcelle de son corps. Quand il l'accueille, enfin, elle s'offre sans retenue et l'entraîne dans une danse infiniment sensuelle. Envoûté, il s'abreuve à sa source, ne se lasse pas de la submerger de caresses, d'éprouver, admirer et louer la douceur de sa peau, la perfection de ses formes, la beauté de ses courbes. Faustine, de son côté, constate que, pour un vieux, il est vraiment très bien foutu. Elle aime la toison de sa poitrine, épaisse juste comme il faut. Elle aime son torse puissant, ses hanches étroites et ses fesses musclées. Tout est beau chez lui, même le bijou de famille qui s'emboîte si parfaitement dans son écrin. Faustine, sans aller cependant à l'acmé de son plaisir, s'exprime un peu plus que nécessaire peut-être pour ne pas décevoir son partenaire. Ça ne l'empêche pas d'éprouver un intense bien-être. Dans ses bras, elle se sent belle, indubitablement femme. Elle aimerait tellement que cet homme qui la couvre, lui déclare ce qu'elle perçoit intuitivement, lui crie qu'il l'aime. Elle le lui demande, des larmes dans les yeux, tant leur fusion l'émeut, et aussi parce que ces deux mots justifieraient partiellement sa conduite. Seul un amour sincère pourrait l'absoudre. Mais en dépit des gestes et des regards qui proclament l'aveu, les mots ne suivent pas. Ainsi iront-ils, implicitement, au bout de leur nuit, s'aimant sans trêve jusqu'à l'aube. Au moment des adieux, reniant tous leurs serments précédents, Maxime implore Faustine de le revoir, au moins une fois. Touchée par ses supplications, elle accepte. À 6 heures du matin, la Renault 4L a beaucoup de peine à démarrer sur le parking de la MJC. Il a fallu gratter les vitres et Maxime en pantoufles, vieux falzard et haut de pyjama sous un gilet léger, les yeux en berne, il dit en trou de bite, a beaucoup de peine à mettre la Gertrude de Faustine en route. Presque autant que de voir s'éloigner celle qui l'a rendue si heureuse cette nuit-là, qu'il admettra bientôt en être tombé éperdument amoureux.